You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or you can email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir tout le monde. I'm talking to the auditors because I don't have anybody else here. Romain and Adrien couldn't make it, so I did. Ta-da! So you stuck with me tonight. So, tonight I have planned a nice playlist. And it's a playlist because I have quite a few people around me who lost dear people from their family, either brothers or fathers. So the songs are not going to be like super, you know, super uplifting, but they are still nice. And but we're going to listen to that. And first, we're going to listen to an interview that I just did today from Clément Monet about Sinescence. So for those who don't know yet, on Facebook it starts to spread a little bit, but we have a new streaming platform for French movies. It's called Sinescence, and it's fantastic that there's much, that there is, you know, a market for it, and that that people are going to be interested by it. I am interested by it, so I'm going to play the interview right now, and then we'll play some music after. All right, on y va. Sinescence with Clément Monet. Almost. Hello. Tonight we have Clément Monet with us, and Clément Monet had a very great idea to create Sinescence, which is a streaming platform. And I'm with him right now to talk to him about it and to see what it is about and how he came to the idea to do it. So how are you doing today? Pretty well. Thank you. Good. So what brought you to create Sinescence? And what is Sinescence too? So Sinescence is a Netflix of French movies. It's a streaming platform dedicated to French films, because I live as an expat for more than 10 years and I always struggle to find French movies online easily. And I was so frustrated with that. So it all started with a personal problem. Okay. And I have an American fiance to whom I'm always talking about French movies, old classics, but also recent ones that I watched in France when I'm there. Okay. And so many times I try to share it with her and I don't find them online. So a lot of frustration. And then I have a background in product, and I started to look and think, is this problem shared by a lot of people around? And I realized that French cinema is the second largest exporter of movies in the world behind the US. Nice. And so I was like, yeah, there is an appeal for French movies in theaters. So and there is a gap between the appeal for that content and the fact that you can't find them easily accessible online. So that's why I decided to create Sinescence. Right. Well, that's fantastic, because yeah, I came to the US 20 years ago and the streaming helped some. I mean, we had more movies than when I had to go to the library with getting like the Nouvelle Vague movies only. But yeah, there's still definitely a gap. I mean, Netflix made some effort, but I think especially the comedies, because I think it's the hardest to export, because humor is different in each country. And so it's the hardest to find. So I think that's going to be successful on that level. Sure. And, you know, you mentioned Netflix, and their catalog is like 2-3% is French movies, but actually part of that catalog, like 95%, is their production. So it's basic and French cinema existed before them and will exist after them. Right. So it, it it's just still there is so much that is not accessible to the world. And you know, in France, we have something called Exception Culturelle Française that exists mm-hmm. since basically the 60s, where we have a lot of protectionism in the way in culture and the way we protect our industry, right? The cinema industry. And thanks to that, we are still producing a lot of movies every year. So yeah. about 300, which is quite large. And so again, most of those movies are not accessible on platforms today. So this mix of those new movies that are still being produced and the old classics, you don't really find them. So that's why I'm talking about a gap. And yeah, you know, comedy is hard to, it might be hard sometimes to translate, but when you look at the genre that actually work abroad, so comedy and drama, and especially like comedy drama, comedy dramatique, are working well in exports for French movies, and especially in North America. And you know, you watch a movie like Le Dîner de Con or Le Prénom, those are like, yeah, you can understand them with subtitles. Maybe you don't catch everything, but you laugh if you're American or Canadian looking at that. Yeah, Le Dîner de Con is really good. I introduced my son to it not that long ago, so, and he really enjoyed it. And he's not a big fan of French movies in general. But so tell me more about what is the address of the website. And I know that you have like a 2 weeks trial period. Sure. People can browse the catalog even without being signed up. But once you sign up, you have 2 weeks to really realize how much how much there is. So, yeah. Yeah. So it's called Cinescence, which is a pun between cinema and Renaissance. Nice. Because we want to do the Renaissance of French cinema abroad. So Cinescence. Yeah. Yeah, you can access it online, cinescence.com. We also available on iOS and Android. So download the app on the Apple Store or Google Play Store. Nice. And yeah, basically you can start browsing our library without signing up. You know, you just explore. Then if you want to watch movies, you have to sign up and get a subscription. Indeed, for any subscription you get, you can either have a monthly subscription or an annual one. And any subscription you pick, you start by a 15-day free trial. So you can start watching That's as nice. Many movies as you want for 15 days for free. And yeah, the bet is that then you start realizing, or you know already, maybe that you like this type of content, and then you stay on board. And, you know, every month we're going to put new movies into the platform. We have so many classics that we're still missing. So we're going to add those classics. We have so many from Gérard Rouri that we don't have yet. Yeah. Like Rabbi Jacob, for example, that we're going to add. And always then we're evolving. Also bring new releases. Yes, always evolving because, you know, users want content. So it's always going to be a mix of classics and new releases. We are negotiating movies right now that just went out in theater in France and some that are not even yet in theater. So I'm so excited cool. about those things. It's going to, I think, please our users. All right. And you also offer to buy the movie, like one movie at a time, if people want to as well. So yeah, that's correct. For people who don't really want to commit monthly, or there are some movies that might be more recent that you offer, you know, that way as well. So that's kind of a nice option. So that's another way to explore, indeed. Yeah. Is there anything else you would like to add? Maybe one last thing is we receive great support from the Consulat General in San Francisco and some other consul who supported us in communicating about Cinescence. Mm-hmm. And I'm very pleased with that because it's about French movies, but it's also about, you know, promoting the country and the culture abroad. And definitely who can do that better than those organizations. So I'm very pleased with that. Yeah. The same with Bonjour Minnesota. It's really, we have a mix of expat and Francophile, and we are trying to just promote French culture in general. I mean, so yeah. Thank you very much, Clément. It was very nice to be able to talk to you. My pleasure. Bye. Bye. Now we're going to listen to Céline Dion with Vol, Edith Piaf with Mon Dieu, and Aaron with Le Tunnel d'Or. Rejoins le ciel et les terres. embrasse la terre, quitte mon manteau de misère, change d'univers. Vole, vole, petite sœur, vole mon ange, ma douleur, quitte ton corps et nous laisse. Joindre l'autre rive, celle des fleurs et des rives, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant. Vole, vole, mon amour, puisque le nôtre est trop lourd, puisque rien ne te soulage. fait tort. Laissez-le-moi. Regardis-je là sous mes yeux un stalactite de rêve trop vieux, toutes ces promesses qui s'évaporent vers d'autres ciels, vers d'autres ports. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Mon ange, mon ange. Deux mille saveurs, une seule me touche lorsque tes lèvres effleurent ma bouche. De tous ces vents, un seul m'emporte lorsque ton ombre passe ma porte. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Mon ange, mon ange. Prends mes soupirs, donne-moi des larmes. À trop mourir, on pose les armes. Respire encore mon doux mensonge. Que sous ton souffle le temps s'allonge. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Seul sur mon sol, en équilibre, mes poumons pleurent, mon cœur est libre. Ta voix s'efface de mes pensées. J'apprivoiserai ma liberté. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Mon ange, mon ange. Et voilà, so we just listened to three songs. First, we had the interview with Clément Monet and Cinescence. So I haven't signed up yet, but I will soon. Like on Thursday, I have no kids, nobody, until Friday. So I'm going to sign up for the 2 weeks free and see. And I'm probably going to line up all the movies one after the others. And yeah, that seems like we didn't talk about price because we are here to inform people, but it's very reasonable, and I really encourage you to check it out, Cinescence. Then after that, we just listened to Céline Dion with Vol, means fly, and she's talk about a person that she lost, and after suffering and try to be happy in another life. Then it was Edith Piaf with Mon Dieu, Oh My God, and she's talking to God about her lover that she wants to keep longer with her and, on earth. And then Aaron was the last one with Le Tunnel d'Or. We always push the songs onto the Twitter, the KFAI playlist, and the song is also listed on the KFAI.org website. And if you happen to listen to the show the next day, at the same place, you also get the songs and with the artist and the title. All right, well, we're going to listen to more songs. We are going to listen to Caroline Costa with Comment Vivre Sans Toi, How to Live Without You, then Ezekiel Paillès with An Eternal Été, An Eternal Summer, and then Julien Doré with Sublime et Silence. On y va. Je ne trouve même plus les mots pour te parler de mon cœur. L'espoir n'est plus qu'un tombeau où l'on enterre le bonheur. Tous les pétales de ma vie se sont fanés aujourd'hui. Restent nos souvenirs d'hier et pour ce jour nos prières. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Mon cœur te cherche, mais mes yeux ne te trouvent pas. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Comprenne mon âme, mais crois-moi, je ne t'oublierai pas. Qu'on parle de nous au passé, je ne peux pas l'accepter. Je te ressens près de moi, mais ces gens ne te voient pas. J'ai tellement froid, recouvre-moi. J'entends ta voix mais ne te vois pas. Donne-moi la main. Sans toi je ne suis plus rien. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Mon cœur te cherche mais mes yeux ne te trouvent pas. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Comprenne mon âme, mais crois-moi, je ne soupirerai pas. Je cherche l'espoir qui m'aidera à vaincre ce destin. Je cherche au loin de paix. Tu me vois pas, je t'appelle. Tu m'entends pas, je t'aime. J'ai besoin de toi, je t'en prie. Reviens vers moi. Thank you. éternel été. Beauté à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mai, l'effet du hasard. Ne le retiendra, ne le retiendra. Parfois trop ardent, parfois trop ardent. L'éternel été, l'éternel été.

à mon père. Pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela, toi le frère que je n'aurai jamais. Je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant, pour une fille. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille. J'ai l'air bien tranquille sous mes allures de saltimbanque. Mais j'ai un frère ado indocile qui voudrait être braqueur de banque. Je perds mes amis, paraît que je ne fais pas trop d'efforts. Mais le frangin me cause du souci, je compte plus tous les bleus sur son corps. Frérot, je suis pas d'accord. D'abord, frérot, me passer sur le corps. En la vie, frérot, j'y crois encore. Je lui dirais bien oui, mais pour l'amour, le temps me manque. Si elle savait comme j'ai envie, rien qu'une nuit, de poser l'encre. Me laisser bercer et renoncer à ma promesse. Papa, maman, si vous saviez, je vis dans l'ombre de ma jeunesse. Frérot, je suis pas d'accord. Frérot, faudra d'abord. Mon frère, ma douleur, mon fardeau, mes dix plaies. Quitte à oublier mon propre cœur, je me perdrai pour te sauver. Frérot, j'y crois encore. And we just listened to three songs talking about brothers. And the first one was from Black M called Frérot, featuring soprano. Then Maxime Le Forestier with Mon Frère, where I imagine doing a lot of things with his brother. And then Slimane just now with Frérot. We'll continue with Like the Family. We're going to switch to a series about fathers. The first one is des pères, des hommes et des frères. Fathers, some men and some brothers. And it's featuring Lafouine. Corneille is from Quebec, but Lafouine is from France and partly Morocco. Then another one from Céline Dion with a song called Parler à mon père, talking to my father. And it's a live from Quebec City. And then another one from Michel Thor called À mon père, to my father. All right, on y va. Thank you.

remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver la couleur du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je n'ai pas les mots, ma mère, je n'ai pas les mots pour te raconter, parler de ta voix, de ta joie, de tes colères. Tu es lumière, tu es Mistral, mais aussi caresse, tendresse. Je n'ai pas les mots, ma mère. Je n'ai pas les mots, ma mère. Je n'ai pas les mots pour te raconter, parler de tes yeux, à peine que je n'ai pas compris. Regard changeant, ruisseau, juste au bord de tes cils, ma mère. Je n'ai pas les mots, ma mère, je n'ai pas les mots pour te raconter ma vie aujourd'hui, la maison dont tu as toujours rêvé, le bonheur de chanter. C'est avec toi que je voudrais les partager, mon père. Mon père, oh mon père. Cet homme du midi de la France, ce baladin de la Provence, ce facteur du courrier du cœur qui a toujours fait mon bonheur. Il chante avec la même voix des souvenirs qui sont en moi. Mon père, oh mon père, mon père, oh mon père. Papa, je t'appelle papa. Mon père, quand je pense à toi, il m'a récité les paroles de de tous les héros de Pagnol. Il se lève avant le soleil, il croit en Dieu, il croit au ciel. Il est toujours auprès de moi. Des gens qui ont dernier lilas. Mon père, mon père, oh mon père. Papa, je t'appelle papa. Mon père, quand je pense à toi. Tu m'avais dit ne t'en va pas, et je suis parti loin de toi, et de musique en musicale, je t'ai gardé le premier rôle. Mon père, mon père, oh mon père, papa, je t'appelle papa. Mon père, quand je pense à toi, pour lui je reste son enfant, la mère de ses petits-enfants. Il m'appelle Méditerranée depuis le jour où je suis née. Il a toujours été le même. C'est si peu dire combien je l'aime. Mon père, mon père, oh mon père. Papa, je t'appelle papa. Mon père, quand je pense à toi. Et voilà, so we had three songs. First, it was Corneille with Des Pères, Des Hommes et Des Frères, featuring La Fouine. Then Céline Dion with Parler à mon père, Talk to my father. And Michel Thor with Les mots pour dire à mon père. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. 90.3 FM Minneapolis, Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.30 FM, à Minneapolis, Saint Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, voilà. So, if you missed the first part of the show, there was an interview of Clément Monet, who created Cinescence. So, it's a new streaming platform for movies, and they are specialized in French movies, and because it's done by expats, there's a lot of like originals and classics and some new ones too, so it's very nice. So check it out, cinescence.com. I'm going to talk a little bit about the events coming up. So the first one coming up is on December 1st, Paris en Mouvement. You know, Paris Moving. It's an exposition from Michael Hoffman, and it's at the Alliance Française itself. So it's a collection of time-lapse photography, and it's going to be it's going to take place. It's going to start on Wednesday, December 1st at 6 p.m., and you have to register to get there, even though there's no cost. And all the COVID protections are applying. There's more description on at afmsb.org or on our Facebook page. It's added as an event. If you don't follow us on Bonjour Minnesota on Facebook, I recommend you do. Then on December 4th, there's going to be the Marché de Noël, the French Christmas market, and it's from 9:30 to 12 p.m. So it's in the morning only, like 2 hours and a half. And it's the first Saturday of December, so there's going to be some vendors and some food and some nice stuff. Probably a little bit of music too, so check it out, afmsp.org. Then in St. Paul, there's also the European Christmas market at the Union Depot, which is located at 240 East Kellogg Boulevard in St. Paul. And, I mean, they say it's like from 5 to 4 p.m. to 9 p.m., but I think it depends on the days too, because on Saturday it's 10 a.m. to 8 p.m., and on Sunday it's 11 a.m. to 6 p.m., so it changes. Just go on the Facebook page, there's an event for it, and each day or each date has the hours, so you can make sure you'll be there. I think that's it for now. Next week, we're going to have a special guest. We're going to have John Morey from the Trallon Cinema in Minneapolis, who's, on Minnehaha. It's an independent cinema, and in December, each weekend, they're going to have a movie from Eric Rohmer, a very French, a very well-known French director. So I think it'll be very interesting, and the guys should be back too, so that'll be nice. If you want to check out in advance, I mean, I'm probably going to post a link on Facebook, but you can check out thetrilon.org, and they have like a segment on Eric Rohmer, and you can just click on it and you'll see what movies are coming up. So each weekend, you know, from Friday to Monday, something like that. Alright, so we're going to play more music. We're going to listen to Chimène Badi with Un Père, a dad. Then another song from Slimane called Papa Heroes. And then La Fouine, which we already heard, along with Corneille, with Papa. All right, on y va. Thank you.

garde en moi toutes les blessures du passé. C'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, là-bas, pour toi. Papa, le temps va tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Yeah. Tu voulais que je coupe des planches comme toi. J'ai pas voulu et j'ai eu de la chance. Mais t'inquiète, je touche du bois. Le frigo vide à ton départ, maman t'en voulait beaucoup. J'avais pas le droit mais en cachette, moi je t'aimais beaucoup. J'ai mis dans ce rap ce que je n'ai pas su te dire. Tu restes mon père pour le meilleur et pour le pire. Levé à 5h du mat pour qu'on puisse avoir des baskets à nos pattes. Mais malgré ça j'ai quand même giflé le prof de maths. Yeah, au square on m'appelle Funny Baby. Mais pour toi je reste Léoné, Walt Blady. Boum, boum, les keufs viennent me lever. T'es jamais venu au parloir car les hommes se cachent pour pleurer. Yeah, si t'as ouvert c'est que le vice a sonné. Mais on reste tous les mêmes, papa tu es pardonné. Ce qui est dit, ce qui est fait, j'ai trempé ma plume dans mes larmes pour écrire ce couplet. Yeah. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, là-bas, pour toi. Papa, le temps va tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah. Je te regarde d'en haut, tu me regardes d'en bas. Tu fais vibrer mon cœur de ton regard rêveur. J'suis trop souvent absent, me le pardonneras-tu? J'essaie d'être un bon père, maman me regarde au-dessus. J'écris ce rap sincère de l'arrière du car. J'ai ta petite tête en fond d'écran, les doigts sur la guitare. J'arrive à la salle pour faire les balances, il est midi. Tu sors sûrement des cours avec ton sac et nos kichi. On fait la fête ce soir, on affiche complet. Plus personne peut entrer, mon cœur affiche complet. Je t'aime comme un fou, je t'aime à la folie. On m'a retiré tous mes points, je t'aime comme c'est plus permis. Et comme en un éclair, t'es rentré dans ma vie. J'ai dit non à la tôle, plus jamais les soucis. Ce qui est dit, ce qui est fait. Et quand je serai plus là, j'espère que tu diras. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va te s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, là-bas, pour toi. Papa, le temps va te s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Yeah, dédié aux frères qui ont eu un père comme le mien, qui se cassait le dos à taper du soir au matin. Dédié aux sœurs qui ont eu un père comme moi, qui du matin au soir courait derrière la gloire. Dédié aux frères qui ont eu un père comme le mien, qui se cassait le dos à taper du soir au matin. Yeah. Dédié aux sœurs qui ont eu un père comme moi, qui du matin au soir courait derrière la gloire. Yeah. The Internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. All right, so that was the last series about, you know, the tribute to dads in general. So it was Shimon Badi with Un Père, then Slimane with Papa Hero, and Lafouine with Papa. And now we're going to start another series, a series of merci, or thank you for Thanksgiving. I often joke when people ask, some people at first started to ask me if we were celebrating Thanksgiving in France. And I often said that no, we didn't have to be thankful for anything. We just had to cut heads. But besides the joke, yeah, we have a lot of things to be thankful about. So That's pretty nice. So all the upcoming songs are going to be about merci. Well, thank you. The first one is a very short one from Manu Chao, who was the lead singer of La Mano Negra. Then we're going to listen to Amel Bent with Merci Monsieur. And Flo de la Vega with Merci la Vie. Voilà, c'est fini, merci à tous, merci la vie, à mort la mort et à demain. Voilà, c'est fini, je suis fou de toi. Merci à tous, merci la vie, à mort la mort et à demain. C'est du passé, j'ai refermé le livre. Une histoire, deux histoires sans citer ton nom. Tant de fois j'ai ressassé, j'ai dû faire le vide. Tant de fois j'ai dû courir après ton nom. C'est dur à dire, à entendre, mais ton absence m'a rendu plus solide. J'ai dû improviser, j'ai passé tant de nuits à t'attendre. À compter les années qui défilent comme des grains du sablier. Merci monsieur, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans le silence, je ne t'en veux pas. Oh merci monsieur, regarde-moi. J'ai déjà pleuré toute ma peine, on répare même un cœur qui saigne. Merci monsieur, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans le silence, je ne t'en veux pas. Oh merci monsieur, regarde-moi. J'ai déjà pleuré toute ma peine, on répare même un cœur qui saigne. On dit que seul le temps peut effacer, qui soigne les gens. Si parfois j'étais dur, je manquais d'attention. En secret, je m'inventais tous nos sentiments. Les étoiles dans tes yeux m'ont donné raison. Merci monsieur, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans le silence, je ne t'en veux pas. Oh merci monsieur, regarde-moi. J'ai déjà pleuré toute ma peine, on répare même un cœur qui saigne. Merci monsieur, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans le silence, je ne t'en veux pas. Oh merci monsieur, regarde-moi. J'ai déjà pleuré toute ma peine, on répare même un cœur qui saigne. Monsieur, monsieur, monsieur, comme la lune quand elle brille, la lueur dans mes yeux, c'est pour toi qu'elle scintille. Monsieur, monsieur, monsieur, elle n'est pas si fragile, la lueur dans mes yeux. Ah. Merci monsieur, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans le silence, je ne t'en veux pas. Oh merci monsieur, regarde-moi. J'ai déjà pleuré toute ma peine, on répare même un cœur qui saigne. Merci monsieur, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans le silence, je ne t'en veux pas. Oh merci monsieur, regarde-moi. J'ai déjà pleuré toute ma peine, on répare même un cœur qui saigne. Merci monsieur. So we just listened to Manu Chao with Merci Bonsoir, Amel Bent with Merci Monsieur, and Flo de la Vega with Merci la Vie. If you are not following us on social media, you should. We're on Facebook, so Bonjour Minnesota, on KFI Radio, we're also on Twitter and on Instagram. We're pretty active on Facebook, sharing link about either like new videos or, you know, things that happen, like the new streaming platform, like Cinesons, or I don't know. Yeah, new things that happened. Talk about the news also a little bit, but not too heavy. You know, more cultural things. Also, if you're not following French Influences Radio Show Therapy on Facebook, you should. That will let you know when the new shows are. There's a new show every other week. So this week is a rerun, but next week there's going to be a brand new show, and it's going to be the show number 94. So if you're interested in French music in general, but not necessarily with the lyrics in French, it's typically a little bit more recent songs and recent artists, a little bit more edgy too. So yeah, that'll be interesting. It's different from Bonjour Minnesota, that's for sure. Now we're going to listen to Frédéric François with Merci Encore et Encore. Then Jean-Baptiste Guégan with Merci. Don't mistake him for Johnny Hallyday. He has the same voice, but he's a different artist and very much alive. And then Franck Michael with Merci d'Avance. All right, on y va. Quand le soir tu rentrais fatigué d'une journée de boulot bien gagnée, tu me disais qu'il fallait dans la vie faire ce qu'on avait envie. Je t'écoutais en me disant qu'un jour moi je chanterai l'amour. Merci encore et encore. Oh, merci encore et encore. Pendant que je jouais sur ma guitare, des mélodies venues de nulle part, toi tu faisais comme font les mamans, tu soupirais sagement. Tu m'écoutais en me disant qu'un jour moi je chanterai l'amour. Merci encore et encore. Encore et encore. Et je suis parti à l'aventure, ma guitare comme seule couverture. Toi public, tu m'as pris dans tes bras. Alors depuis ce jour-là, je continue à chanter l'amour et je le chanterai toujours. Merci encore et encore. Oh, merci encore et encore. Merci encore et encore. Oh, merci encore et encore. Merci encore. et encore. Que serais-je devenu sans lui? Et qu'en serait-il de moi aujourd'hui? Je ne serais qu'un inconnu perdu, toujours du mauvais côté de la rue. Je n'étais encore qu'un enfant, lui était au firmament le plus grand. Je voudrais lui dire merci pour ce qu'il m'a appris d'avoir donné aussi un sens à ma vie. Il était ma seule chance de fuir la délinquance. Grâce à lui, j'ai construit l'homme que je suis. On avait les mêmes blessures cachées, avec cette démesure à aimer. Son absence est un désert infini. Et sa voix chante encore en moi comme un cri. Je voudrais lui de m'avoir tout appris, d'avoir donné aussi un sens à ma vie. Il était ma seule chance de fuir cette violence et enfin d'exister pouvoir chanter. Je voulais lui dire merci d'avoir fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui. Merci. Et voilà, we heard three songs, two of which were dedicated to Derdaz. Frédéric François with Merci Encore et Merci. And Jean-Baptiste Guégan with Merci. And just now it was Franck Michael with Merci d'Avance. We're going to continue with a series of Merci. So we're going to listen to Mickey 3D with Merci la vie. Then it's going to be Mio Sec with Merci pour la joie. Thank you for the joy. And Ancy and Yol de Rose with Merci. The woods are lovely, dark and deep. And we know some of you out there are up late and can't sleep. Follow us into the abyss on Shadow Planet. Friday nights, Saturday mornings at 2 a.m. here on KFAI. We're your Heavy Metal Minority Report, and we're happy to be your Virgil in the Underworld. Se planter les premiers. Dieu a pris les cons pour des hommes et leur a proposé de régner à la distribution des rôles. Il aurait dû rester couché à la distribution des rôles. Il aurait dû rester couché. Merci. Merci. courage, mon amour, qui te fait si souvent trembler. Tu en sais davantage que moi, mon amour, sur les mirages qui vous font tellement espérer. Tu aspires mieux que moi au grand large, mon amour, mais y a toujours un caniveau devant les baies vitrées. Alors maintenant, sois sage, mon amour, et va-t'en s'il te plaît. Davantage que moi, mon amour, sur tout le mal que je t'ai fait. Tu connais mieux que moi les hommes, mon amour, qui vous manquent tellement de respect. Merci pour la faim, merci pour la soif, merci pour les nerfs, merci pour les joies. Merci, mais je te perds comme un con, c'est bien moi. De carnage, mon amour, la poudre, le sang, le gibier. Alors maintenant, dégage, mon amour, va-t'en s'il te plaît. Merci pour la faim, merci pour la soif, merci pour les nerfs, merci pour la joie. Merci, mais je te perds comme un con, c'est bien moi. Ce grand amour que tu me donnes chaque jour. Merci de tout ce grand bonheur que tu mets dans ma vie quand tu es près de moi. Merci pour cette mélodie que tu m'inspires pour mon deuil. Et ça, qui danse devant moi quand tu es dans mon lit. Merci pour ton corps de 20 ans qui vibre avec mon corps, ce grand brasier d'amour. Merci pour tous ces mots d'espoir, ta tendresse et ma joie quand tu es dans mes bras. Ces journées entières et ces nuits sans sommeil à penser à nous deux. Merci, je te redis merci pour tout ce que tu fais pour me combler d'amour. Je me frapper, je dis à ma chante. Merci pour tout ce qu'on fait pour moi. Là, tout le monde que je t'aime, ou même pour ma soeur. Merci pour l'amour qui est au fond de moi. Là, c'est fait, je dis ça, pour que j'aime pas monter. Merci, sans foi, ni foi. Car l'amour pas détruit, même s'il fait mon souffrir. Merci, ma pépétée, merci. Tout ça fait pour moi, pour changer vivre en bien. So we just listened to Mickey 3D with Merci la vie. After that, it was Mio Sec with Merci pour la joie. And now it was just Ancy and Yol de Rose with Merci. We're gonna do another series of Merci until we're done, basically. So 10 o'clock, you know, until Balkan Jambare is coming and kicking me out. We have about another 10 minutes until then, so we're going to listen to the Arcadiens, these little guys from Paris who started in the metro and had great success after that. So their song is Bonjour, Merci. Then we're going to listen to Bignon with Merci and Jeanne Chéral with Merci. I know the titles are not providing a lot of varieties, but the songs are different, so that's what matters. On y va. Tu dis bonjour, tu dis merci, t'es toujours à l'heure au bureau. Le bien aimable, le bien poli, on te prend jamais en défaut. T'es pas du genre qui s'énerve, qui aime taper du poing sur la table, plutôt celui sur la réserve, qui tempère, qui calme. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine? Un jour tu diras stop, pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte, pour en ouvrir une nouvelle. Faudrait être beau, faudrait être digne, faudrait être fort et puis fragile. Faudrait être comme elle, comme il, être belle, être in. Faudrait sourire même au pire, faudrait être docile et utile. Faudrait être monsieur tout le monde et en même temps être unique. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine? Un jour tu diras stop, cette porte pour nourrir une nouvelle. jamais au bureau. Chaque jour, parce que quelque part il y a quelqu'un qui n'a pas pu voir ce jour. Je viens avec un cœur reconnaissant envers toi. Tout ce que j'ai est à toi, Jésus mon Messie. Ta compassion pour moi est ma raison d'exister, et mes camps pour toi. Merci, merci de tout cœur, Jésus mon Messie. Merci, merci de tout cœur, je viens te dire merci, merci de tout cœur, Jésus mon Messie. Merci, merci de tout cœur. Papa Yahweh, merci Papa Yahweh, merci Yeshua, merci mon Elohim, merci. Belleville, d'où je vois toute la ville, et pour le vent qui tourne autour des fenêtres de la tour, pour le trottoir ruisselant, pour le café, les croissants, et pour l'accordéon qui boite au fond du souterrain moite, pour la nuit sur les bateaux mouches, et pour ça. Thank you. We just listened to Arcadien with Bonjour Merci. Then it was Bignon with Merci and Jean Chiral with Merci. Before leaving, we have another 5 minutes. We're going to listen to Tarmac with Merci pour tout and Vianney with Merci pour ça. Bonne semaine et bonne éternité, bon déroulement, bon séjour et dans les âmes et les peines, au ressourcement, merci pour tout, bonne soirée, bonne semaine et bonne éternité. Merci pour tout, merci pour tout, bonne journée. Bonne semaine et bonne éternité, bon détour et dans les âmes et les peines au ressourcement. Merci pour tout. Quiero estar siempre caliente creando, siempre caliente. Siempre callejeando, siempre de callejeando. Suis-je aussi chargé que ne l'est l'atmosphère? Suis-je aussi salin que ne l'est l'eau de mer? Suis-je aussi lointain que celui qui veut plaire? Suis-je aussi masqué que Don Diego volontaire? Et plus élégant.